Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Lois qui régissent le monde sidéral. Astronomie dite populaire, insanité de ses enseignements, ce qu'est la science vraie, les planètes, de l'attraction, deux forces opposées, cause première du mouvement, inertie de la matière, nécessité d'une puissance motrice, peinture de Lamartine, les cieux, proclame la gloire du Tout-Puissant. Si je me place ainsi d'emblée sur le terrain de l'astronomie, ce n'est pas seulement parce qu'elle est de toutes les sciences la plus exacte, c'est aussi parce qu'on la détourne chaque jour de son but et de sa signification véritable, pour en faire une arme contre les récits bibliques. Ainsi, sous le nom d'astronomie populaire, vous entendez exposer dans des cours et conférences les théories les plus insensées sur l'origine de la matière, son organisation par elle-même, sa faculté de produire des êtres vivants et le mode de succession de ceux-ci par des procédés à la Darwin. Et pour donner plus de crédit à leurs paroles, ces vulgarisateurs d'une fausse science iront jusqu'à figurer des projections de fantaisie, représentant des tableaux qui n'ont jamais existé que dans leur imagination mal équilibrée. Non, ce n'est pas là de l'astronomie, c'est tout au plus de l'astrologie, et de la pire encore. Aussi, quand ils viennent débiter en public de pareils boniments, devraient-ils rester fidèles aux traditions de la parade, en se montrant avec le bonnet pointu, la robe constellée et la baguette du magicien? Laissons donc parler la science vraie, la science des Kepler, des Newton et des Le Verrier. De pareils esprits ne seront jamais ni matérialistes ni athées. Chacun sait que les corps célestes qui composent notre système et qu'on appelle planètes ou étoiles voyageuses, pour les distinguer des étoiles fixes, ou du moins qui paraissent telles, chacun sait que ces corps ont une tendance générale vers le Soleil, en vertu d'une force inhérente à leur masse. Cette force a reçu le nom d'attraction. Mais comme les planètes, si elles n'obéissaient qu'à cette force, s'approcheraient trop du Soleil et même s'y précipiteraient, Newton, qui le premier la signala, reconnut de même deux puissances motrices qui, dès le principe, réglèrent et tempérèrent leurs mouvements. La première de ces puissances est la force centripète, qui attire ou porte les planètes vers le Soleil, la seconde est la force centrifuge, qui les en éloigne. Ces deux forces sont contrebalancées l'une par l'autre, de manière à se tenir mutuellement en respect et à régulariser de la sorte la marche des astres. Ainsi, la Terre, au lieu d'être emporté loin du Soleil par la force centrifuge, ou précipité sur lui par la force centripète, se trouve, par l'action combinée de ces deux forces, retenue dans son orbite, et obligée de décrire autour du Soleil une ellipse dont il occupe un des foyers. Voilà sans doute de bien admirables phénomènes, régis par des lois non moins admirables. Mais qui donc a établi tout cela le premier? Quelle est la main puissante qui, dès l'origine des choses et des temps, a lancé dans l'espace notre planète au milieu de tous ces mondes, où, depuis lors, elle n'a cessé de se mouvoir? Ce ne put être la force de la matière, puisque nous savons que cette force est nulle, la matière étant inerte par elle-même. C'est même là un axiome en physique. La matière ne saurait donc se mouvoir, elle est mue, et la preuve que le mouvement ne lui vient que par communication, c'est qu'une fois qu'il lui a été imprimé, elle va perpétuellement dans le même sens et au même degré, tant qu'elle n'est ni arrêtée, ni détournée par un obstacle quelconque. Si elle se donnait le mouvement elle-même, il est clair qu'elle pourrait l'accélérer, le ralentir, le modifier. Or, il n'en est rien, constamment elle continuera d'obéir à sa première impulsion. Sans doute les diverses parties de l'univers se meuvent par l'action respective des unes sur les autres, mais le principe de ce mouvement n'est pas plus en elle qu'il n'est dans les divers rouages d'une machine montée par la main de l'homme. Aussi l'immortel auteur de la grande découverte de l'attraction se garda-t-il de regarder ce phénomène comme émanant de la matière, il disait simplement que les choses se passaient comme s'il existait une attraction. C'est qu'il ne reconnaissait de puissance motrice véritable que celle de temps laquelle il s'inclinait en la nommant. Il y a donc bien réellement un principe indépendant de l'essence même de la matière, il y a une volonté supérieure qui lui imprima, dès l'origine, ses premiers mouvements, qui les soumit à des calculs d'une précision merveilleuse, et qui, toujours présente, les a maintenus depuis lors dans un constant et parfait équilibre. C'est quand elle se place sur ce terrain que l'astronomie est bien réellement la première des sciences, et aussi la plus véridique des annales. Mais laissons parler Lamartine, Jocelyn, 1836, 9e époque, il va nous exposer toutes ces grandes choses avec une élévation d'idées et une splendeur de style qui en égaleront presque la magnificence. Ces sphères, dont l'éther et le bouillonnement, ont emprunté de Dieu leur premier mouvement. Avez-vous calculé parfois dans vos pensées la force de ce bras qui les a balancés? Vous ramassez souvent dans la fronde ou la main la noix du vieux noyer, le caillou du chemin, imprimant votre effort au poignet qui les lance vous mesurez, enfant, la force à la distance, l'une tombe à vos pieds, l'autre vole à 100 pas, et vous dites « Ce bras est plus fort que mon bras. » Eh bien si par leur jet vous comparez vos frondes, qu'est-ce donc que la main qui, lançant tous ces mondes dont l'esprit ne peut porter le poids, comme le jardinier qui sème au champ ses pois, les fait fendre le vide et tourner sur eux-mêmes, par les lampes primitives sorties des lois suprêmes, aller et revenir, descendre et remonter, pendant des temps sans fin que lui seul sait compter. De l'espace, et du poids, et des siècles se jouent, et fait qu'au firmament ces mille chars sans roues sont portés sans ornières et tournent, sans essieux. Courbons-nous, mes enfants, c'est la force de Dieu. Oh, oui, courbons-nous bien bas. Et répétons avec le psalmiste, dont Lamartine s'est si heureusement inspiré, « Les cieux proclament la gloire du Tout-Puissant. » Lois qui régissent les mouvements de la Terre. La Terre a deux mouvements, un mouvement de rotation, il crée l'alternance des nuits et des jours, pourquoi nous ne sommes pas lancés dans l'espace, un mouvement de translation, il s'accomplit en un an sa vitesse vertigineuse, ce qui fait que nous n'en avons pas la conscience, importance du rôle du Soleil, son volume, jamais de conflit entre les planètes. Nous venons de jeter un coup d'œil d'ensemble sur les lois qui régissent le monde sidéral. Il nous faut maintenant particulariser davantage et indiquer celles qui président au mouvement de notre planète. On sait que ces mouvements sont au nombre de deux. L'un est un mouvement de rotation sur son axe, l'autre un mouvement de translation autour du Soleil. Un mot sur chacun de ces deux mouvements. Mouvement de rotation, ce mouvement met un jour à s'opérer, aussi l'appelle ton mouvement diurne. Je ne saurais mieux en donner l'idée qu'en le comparant à celui qu'exécute un cerceau qui court en tournant sur lui-même. La Terre se meut ainsi d'Occident en Orient, C'est cette évolution qui, changeant notre attitude vis-à-vis du soleil, crée pour nous l'alternance du jour et de la nuit. Nous disons qu'il fait jour quand nous avons le soleil en face. Nous disons qu'il fait nuit quand nous lui tournons le dos. On a calculé le chemin que nous parcourons de la sorte, entraînés avec la Terre et par elle. Nous faisons environ 9000 lieues par 24 heures, soit 575 lieues par heure, 6 lieues et demi par minute et 470 mètres par seconde. C'est une vitesse comparable à celle d'un boulet de canon. Comment une semblable vitesse ne nous lance-t-elle pas dans l'espace? La réponse nous sera fournie par ce qu'on observe pour l'aimant. Personne n'ignore que l'aimant attire le fer. Supposez une boule d'aimant dont la surface est saupoudrée de limaille de ce métal, vous aurez beau tourner cette boule dans tous les sens, tant que sa force d'attraction l'emportera sur la force centrifuge, la limaille restera fixée à la surface de l'aimant. Ainsi pour la Terre, elle possède de même une force d'attraction supérieure à la force centrifuge, et, par suite, elle attire vers son centre tous les corps placés à sa surface. Tel est le lien invisible qui nous retient attachés au sol, c'est ce même lien qui relie entre eux les divers éléments qui entrent dans la composition de notre planète et les empêchent de se diviser. Mouvement de translation. Nous avons dit que la Terre exécute, en plus de sa rotation propre, un mouvement de translation autour du Soleil. Ce mouvement, qui rappelle assez bien l'évolution d'une pierre mue par une fronde autour de la main qui l'agite, s'accomplit en un an. La Terre, étant à une distance moyenne du Soleil de 56 millions de lieues environ, parcourt ainsi, dans l'espace d'un an, un orbite de 220 millions de lieues. Décomposons un peu ces chiffres, comme nous l'avons fait pour le mouvement diurne, c'est le moyen de mieux nous rendre compte de la nature et de l'importance du phénomène. Nous faisons ainsi, sur les ailes de notre planète, 600 000 lieues par jour, 25 000 par heure, 425 par minute et un peu plus de 7 par seconde. C'est là une vitesse, non plus seulement comparable à celle d'un boulet de canon, mais 100 fois supérieure. Et dire que nous accomplissons ce féerique voyage aérien sans fatigue et sans gêne, bien que nous ayons tantôt la tête en haut et tantôt la tête en bas, et que même nous n'en avons aucunement la conscience. C'est que le mouvement qui nous entraîne est commun à tout ce qui nous enveloppe, corps solide, objet liquide, nuage, atmosphère, horizon. Nous avons constamment sous les yeux le même paysage, et les lieux qui nous environnent conservent invariablement aussi la même situation entre eux et par rapport à nous. Par conséquent, nous avons beau changer de place, rien ne nous en avertit, puisque nous ne changeons pas de milieu. Ai-je besoin de rappeler que ce mouvement de translation de la Terre ne peut être attribué qu'au Soleil, qui, placé au centre de notre système planétaire, entretient dans les corps qui lui font cortège l'impulsion que Dieu leur donna dès l'origine des temps? Il maintient ainsi entre eux cet admirable équilibre sans lequel le monde ne saurait subsister. On cessera de s'étonner de l'immense rôle joué par cet astre pour peu qu'on songe à l'immensité même de son volume. Parlons encore ici le langage des chiffres, sans cela, je craindrais de ne pas être suffisamment compris. Le Soleil est 1 300 000 fois plus gros que la Terre. Or ce ne sont pas là des calculs de fantaisie, ils reposent au contraire sur des données tellement sûres, qu'elles ont livré, on peut le dire, à l'astronome la clé de la mécanique céleste. Je m'arrête, car j'en ai dit assez pour faire comprendre comment la Terre, sous la direction des lois qui entretiennent ces deux mouvements, mouvement de rotation et mouvement de translation, parcourent les régions de l'espace, au milieu des autres corps planétaires qui obéissent comme elle à l'action des mêmes lois. Telle est l'harmonie de ces lois que l'ensemble des planètes qui se croisent ainsi dans tous les sens, comme les billes d'un jongleur, ne dévient jamais de leur orbite et jamais ne se heurtent. Note. Ce serait peut-être ici le lieu de parler du miracle de Josué, arrêtant le soleil, mais, de peur d'allonger notre récit, je préfère renvoyer ce qui s'y rattache à l'appendice qui termine ce volume. Lois qui régissent notre atmosphère. De la température de l'air, elle diminue à mesure qu'on s'élève, loi d'arrêt, mécanisme de la formation des nuages, loi racine perturbation atmosphérique amenant la salubrité, de la composition de l'air, oxygène et azote, leur proportion toujours la même, acide carbonique et vapeur d'eau, loi de fixité proportionnelle, impossibilité de savoir quand elle s'est établie, on ignore de même pourquoi elle ne varie pas, calcul des altérations de l'atmosphère, motif de se rassurer, Dieu ne laissera pas péricliter son œuvre. Maintenant que nous savons quelle loi préside au mouvement de notre planète, il nous faut examiner celle qui régisse la couche d'air qui l'enveloppe et que nous respirons, laquelle a reçu le nom d'atmosphère. Occupons-nous d'abord de ce qui a trait à sa température. La température de l'air diminue à mesure qu'on s'élève dans les régions supérieures de l'atmosphère. C'est donc l'inverse de ce qui a lieu pour l'intérieur du sol, dont la chaleur va sans cesse en augmentant. Cette diminution est telle que le sommet des montagnes un peu élevées est constamment couvert de neige. Il y a cependant une limite au-delà de laquelle le froid cesserait de devenir plus intense, on l'a désigné sous le nom de loi d'arrêt. Ainsi on sait que le froid irait en augmentant jusqu'à 40 degrés au-dessous de zéro, point de congélation du mercure, mais qu'alors le thermomètre resterait stationnaire, à quelque hauteur qu'on s'éleva. C'est au froid régnant dans les hautes régions de l'atmosphère qu'est due la formation des nuages, lesquels ne sont autres que la condensation de la vapeur aqueuse répandue dans l'air. Mais laissons Louis Racine, la religion, poème, chant premier, nous exposer ce curieux phénomène. La mer, dont le soleil attire les vapeurs, par ses eaux qu'elle perd voit une mer nouvelle se former, s'élever et s'étendre sur elle. De nuages légers cet amas précieux, que disperse au loin des vents officieux, tantôt, féconde pluie, arrose nos campagnes, tantôt retombe en neige et blanchit nos montagnes. Tel est le merveilleux mécanisme de cette sublimation des eaux, de leur diffusion dans l'atmosphère, de leur accumulation au-dessus de nos têtes, comme dans d'immenses réservoirs, puis, à un moment donné, de leur dispersion sur les continents. Oui, mais ce n'est pas toujours sous une forme aussi bénigne que l'eau retourne à la terre, elle y est quelquefois précipitée par torrents, au milieu des orages et des éclats de la tempête. Heureux s'écrie le poète, celui qui a su fouler aux pieds les nuées menaçantes et la foudre inimitable, Énéide livre 6, 590. L'épithète d'inimitable n'aurait plus sa raison aujourd'hui, car la physique sait au contraire parfaitement imiter la foudre. C'est à Franklin que revient l'honneur de cette découverte, ainsi que le constate ce vers si connu, ravit la foudre au ciel et le sceptre au tyran. Plus heureux, nous écrirons-nous à notre tour, celui qui, dominant également de folles terreurs, et cependant l'événement prouve qu'elles ne sont pas toujours folles, pénètre plus avant dans les phénomènes, et, demande à la science, Quel peut être le rôle de ces grands cataclysmes? Elle lui apprend qu'en même temps que la vapeur d'eau s'élève dans les hautes régions de l'atmosphère, les miasmes y pénètrent et, par leur accumulation, finiraient par vicier l'air que nous respirons. De là l'utilité de ces vents impétueux, de ces tourbillons, de ces décharges électriques qui, imprimant à toute l'atmosphère de profonds ébranlements, la balaie, la nettoie et lui restitue ainsi sa salubrité. Sa salubrité. Tout est là en effet pour nous, puisque l'air est l'aliment de la vie. Mais cette salubrité ne consiste pas seulement dans l'absence de principes plus ou moins délétères, il faut de plus que l'air, pour être apte à la respiration, et constamment les mêmes éléments et que ces éléments soient entre eux dans une proportion non moins constante. Ainsi l'air doit contenir 21 parties d'oxygène et 79 d'azote. Dès l'instant où vous modifierez, dans une mesure quelconque, la proportion de ces deux éléments, quel que soit d'ailleurs celui des deux qui prédomine, fût-ce même l'oxygène qui est le gaz vivifiant par excellence, il en résultera des préjudices tels pour la santé que la mort en sera finalement la conséquence. Mais ce n'est pas tout. L'air devra contenir également une certaine quantité de vapeur d'eau, sans quoi il dessécherait nos poumons. Il faudra de plus qu'il s'y rencontre des traces de gaz acide carbonique, mais des traces seulement, car, si la proportion de ce gaz dépassait les limites existantes ou s'il manquait absolument, toute vie serait impossible sur le globe. C'est cette permanence, je dirais presque, cette immutabilité, de composition de l'atmosphère, que j'ai désignée sous le nom de loi de fixité proportionnelle. Loi de fixité proportionnelle, à quelle époque Dieu a-t-il créé cette loi? Une seule chose égale l'importance de cette question, c'est la difficulté d'y répondre. Évidemment, ce ne put être au premier temps de la création, puisqu'à cette époque tous les éléments constitutifs de l'univers ne représentaient qu'une immense fournaise où tout était confondu dans un inextricable chaos. Arriva le moment où, par suite surtout de l'absorption de l'excès de carbone par les végétaux, les deux gaz que nous avons dit devoir constituer l'atmosphère se trouvèrent juste dans la proportion indiquée plus haut. 21 parties d'oxygène et 79 d'azote. Mais alors, pourquoi les choses s'arrêtent-elles à ce point? On ne s'en explique nullement la raison. On ne comprend pas davantage pourquoi ces proportions n'ont jamais varié depuis, car enfin, pour ne parler que de ce qui se passe sous nos yeux, que de causes tendent à les modifier, soit en ajoutant à l'air des éléments nouveaux, soit en faisant varier la quantité de ceux qui existent normalement. En voici un aperçu basé sur des calculs nécessairement très approximatifs, mais suffisant toutefois pour en donner quelques idées. Un homme exhale de ses poumons, toutes les 24 heures, 250 grammes environ d'acide carbonique. La race humaine enlève ainsi chaque année plus de 160 milliards de mètres cubes d'oxygène, quantité qui est plus que quadruplée par la respiration des animaux. Mais ce n'est pas tout. La combustion du bois et de la houille dans nos foyers et nos usines soustrait, de son côté, plus de 100 millions de mètres cubes du même gaz. Enfin, les matières organiques qui se décomposent à la surface du sol contribuent, dans une proportion plus considérable que tout le reste, à rendre l'atmosphère irrespirable. On est donc tenté de se demander, d'après ces pertes incessantes d'oxygène et cet accroissement proportionnel d'acide carbonique, ce que deviendront nos arrière-neveux. Rassurez-vous. La nature, dans son admirable prévoyance, a placé le remède si près du mal, que que le mal, on peut le dire, n'a pas le temps de se produire. Ainsi ces végétaux dont vous admirez la variété, le nombre et l'éclat, continuent d'être les grands purificateurs de l'atmosphère, chaque fois que le soleil les touche de ses rayons. Leurs fleurs et leurs feuilles deviennent autant d'appareils chargés de décomposer l'acide carbonique, s'appropriant le carbone et mettant l'oxygène en liberté. Mais il est une raison plus rassurante encore, c'est que, suivant la belle expression de Voltaire, « Par-delà tous les cieux, le Dieu des cieux réside ». Or, comment voudriez-vous qu'après avoir créé son œuvre et s'être assuré que, cela était bon, il la laissa ensuite péricliter? Tant il est vrai que, si la physique et la chimie ont joué un rôle important dans l'ordonnance de notre planète, ce rôle n'a été autre qu'une manifestation de la toute-puissance du Créateur. Lois qui régissent les corps vivants. Lois vitales, leur mode d'union avec les lois physiques, exemple emprunté aux germes fécondés, Buffon, Cuvier, lois de permanence des formes, expérience de Spallanzani, de Tremblay, de Bonnet, loi de mutation de la matière, Cuvier, renouvellement perpétuel des matériaux du corps, expérience de Flourens, n'est pas la matière qui vit, vieillard ayant usé plusieurs corps, conclusion prouvant la spiritualité de l'âme. Les lois qui gouvernent les corps vivants se rattachent, avons-nous dit, à un principe à part qu'on appelle la vie, aussi les nomme-t-on loi vitale, mais leur présence n'implique pas forcément l'exclusion des forces physiques. Celles-ci se rencontrent également dans les corps vivants à titre d'auxiliaire ou d'appoint, quelquefois même elles servent d'intermédiaire obligé pour l'accomplissement de la fonction vitale. Ainsi la vue ne pourrait s'exercer si le rayon de lumière ne traversait pas les divers milieux de l'œil, transformé en chambre obscure. De même, l'audition serait impossible si les ondes sonores ne faisaient pas vibrer la membrane du tympan, à la manière d'un tambour, mais là s'arrête l'acte physique. Il n'y a donc pas fusion complète entre les forces physiques et les forces vitales, il y a simplement parallélisme, et encore les premières sont-elles dans un état de dépendance absolue à l'égard des secondes. Voyez plutôt ce qui se passe au sein du germe fécondé. Ce n'est qu'une particule matérielle imperceptible, et, cependant, cette particule subit la plus étrange, la plus complète et, en même temps, la plus régulière des évolutions. Il s'y développe un mouvement moléculaire tellement admirable, que petit à petit ce germe grandit et se façonne de manière à revêtir une forme propre et individuelle, laquelle fait du nouvel être, dès sa première apparition, une personnalité à part. Mais ces transformations sont conduites d'après certaines lois dominant la nutrition, dominant, par conséquent, les forces physico-chimiques qui y concourent. Il y a donc là un principe animateur et intelligent qui a existé avant l'essence, et qui, nous venons de le dire, préside à la formation des sens eux-mêmes. Chose bien remarquable, la forme de cet être nouveau est indélébile et, au contraire, les matériaux qui le constituent sont sujets à de perpétuels changements. Aussi Buffon a dit, ce qu'il y a de plus constant, de plus inaltérable dans la nature, c'est l'empreinte ou le moule de chaque espèce, tant dans les animaux que dans les végétaux, ce qu'il y a de plus variable et de plus corruptible, c'est la substance qui les compose. Cuvier a dit également, la forme des corps est plus essentielle que leur matière, puisque celle-ci change sans cesse, tandis que l'autre se conserve. Voilà donc de grands faits, la permanence des formes et la mutation de la matière, dont l'importance est telle qu'on les a érigées en loi. Consacrons à chacune de ces lois quelques développements. Loi de permanence des formes. Les forces qui gouvernent la matière et qui en maintiennent la forme possèdent un privilège de plus, celui de reproduire la forme des parties perdues par la forme des parties nouvelles. Rappelons, comme preuve, les expériences de Bonnet et de Spallanzani. Si on coupe la pâte d'une salamandre, elle se reproduit intégralement, et cependant ce n'est pas une chose simple que la pâte d'une salamandre. Elle se compose de 20 os, et, si on coupe le membre entier, c'est 3 os, et 3 grands os de plus, qu'il faut ajouter, un pour le bras et deux pour l'avant-bras. Eh bien, chacun de ces os, de ces 23 os, à sa forme propre. Or, la force qui les reconstitue ne s'y trompe pas, elle reproduit intégralement le membre, y compris la peau, les muscles, les vaisseaux, et ses nerfs. En un mot, c'est moins un membre nouveau qu'une répétition de l'ancien membre. D'autres expérimentateurs ont constaté les mêmes faits, et même des faits plus extraordinaires encore. Tremblay coupe un polype par morceaux, et chaque morceau redonne un polype entier. Bonnet coupe une naïade par morceaux, et chaque morceau redonne une naïade entière. Et tous ces nouveaux nés ont la forme intégrale des premiers parents. Il y a donc, je ne saurais trop le répéter, des forces qui reproduisent les parties coupées, et qui les reproduisent avec la forme typique de la race. C'est là un fait immense au point de vue des théories de Darwin, dont il est l'éclatante réfutation. Nous verrons bientôt en effet que, d'après ces théories, les formes, loin d'être ramenées toujours au type primitif, sont au contraire sujettes à de perpétuelles variations qui finissent par devenir permanentes et fixes pour créer de nouvelles espèces. Loi de mutation de la matière. La loi de mutation continuelle de la matière est aussi absolue que la loi de permanence des formes. Écoutons Cuvier nous en développer le sens. Dans les corps vivants, dit-il, aucune molécule ne reste en place, toutes entrent et sortent alternativement, la vie est un tourbillon continuel, dont la direction, toute compliquée qu'elle est, demeure constante, ainsi que l'espèce des molécules qui y sont entraînées, mais non les molécules individuelles elles-mêmes. Au contraire, la matière actuelle du corps vivant n'y sera bientôt plus, et cependant elle est dépositaire de la force qui contraindra la matière future à marcher dans le même sens qu'elle. Je relève cette heureuse expression, dépositaire de la force. Elle rappelle la belle image de Lucrèce, comparant les générations humaines à des coureurs qui se transmettent le flambeau de la vie. Empruntons maintenant à Monsieur Flourens, comme démonstration matérielle du fait, une expérience tellement concluante qu'elle nous fera en quelque sorte toucher du doigt cette variation continuelle de la matière chez les êtres vivants. On entoure l'os d'un jeune pigeon d'un anneau de fil de platine. Peu à peu l'anneau s'est recouvert de couches d'os, successivement formées. Bientôt l'anneau n'a plus été à l'extérieur, mais au milieu de l'os. Enfin, il s'est trouvé à l'intérieur, dans le canal médulaire. Comment cela s'est-il fait? Comment l'anneau qui d'abord recouvrait l'os est-il, à présent, recouvert par lui? Comment l'anneau qui, au commencement de l'expérience, était à l'extérieur, est-il, à la fin de l'expérience, dans l'intérieur de l'os? C'est que, tandis que, d'un côté, du côté externe, l'os acquérait les couches nouvelles qui ont recouvert l'anneau, il perdait de l'autre côté, du côté interne, ces couches anciennes qui étaient résorbées. En un mot, tout ce qui était os, tout ce qui recouvrait l'anneau, quand on a placé cet anneau, a été résorbé, et tout ce qui est actuellement os, tout ce qui recouvre actuellement l'anneau, s'est formé depuis. La matière tout entière de l'os est donc renouvelée pendant l'expérience. Or, ce que je dis ici du système osseux s'applique également à tous les autres systèmes de l'économie. Partout les matériaux changent, mais partout aussi les formes restent. Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur ces distinctions fondamentales, car, même dans les limites un peu restreintes où je viens de les présenter, elles me paraissent suffisantes pour faire envisager sous un jour tout nouveau les forces de la vie, qu'on se pénètre bien de ce grand fait. Ce n'est pas la matière qui vit, c'est une force qui vit dans la matière. Là est le principal secret de nos modifications organiques et de leur retour incessant, même après de longs écarts, au type originel. Ainsi s'explique comment on est reconnaissable, au bout de plusieurs années, tout en étant nécessairement, comme matière, un homme tout à fait différent. Chez le vieillard, par exemple, le renouvellement moléculaire s'est opéré tant de fois depuis sa naissance qu'il représente, dans toute la rigueur du mot, plusieurs hommes successifs, chassés l'un par l'autre et ayant usé plusieurs corps, et pourtant il n'en reste pas moins toujours un par ses formes extérieures. Il reste un également, et c'est là un fait plus capital encore, il reste un également par ses facultés morales et intellectuelles. C'est que, s'il existe dans la vie des forces qui gouvernent la matière, il y a, de plus, en nous un principe tellement indépendant de la matière elle-même, qu'il n'est même pas influencé par ses mutations incessantes. C'est ce principe qui nous met en rapport avec les objets du dehors, et en communication avec Dieu lui-même. Or, je le demande à tout homme de bonne foi et de bon sens, l'indépendance absolue de ce principe de toute attache matérielle, n'est-elle pas la preuve la plus directe que l'on puisse donner de la spiritualité de notre âme? Markandanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.